Amsterdam à Santiago et d'Amsterdam à Varsovie, de Cracovie à San Diego, de drame en dame passe la vie, de peu à peu, de cœur en cœur, de peur en peur, de port en port, le temps d'une fleur, et l'on s'endort, le temps d'un rêve, et l'on est mort. De terre en terre, de place en place, de jeune vieille en vieille grâce, de guerre en guerre, de guerre lasse, la mort nous veille, la mort nous glace, mais de bière en bière, de foire en foire, de verre en verre, de boire en boire, je mords encore à pleines dents, je suis un mort encore vivant.